Il est 8h et c'est en compagnie de Valérie Levé qu'on poursuit cette édition des Matins éphémères. On va parler avec Valérie des préventions d'inondations et de COVID-19. Valérie, est-ce que tu m'entends? Oui, là je t'entends, mais avant je n'entendais rien du tout. Ah bon, ben pas voilà. La radio, en fait. Tout va bien, tu m'entends. Alors je disais que oui, voilà, avec toi qui es animatrice de l'émission Futur Sam, qui est en pause pour le moment, oui. Mais on te retrouve sur les ondes des Matins éphémères et tu es aussi journaliste scientifique. On va faire une parenthèse sur la COVID-19 pour parler aujourd'hui des inondations printanières. Inondations et COVID-19, est-ce qu'il y a un rapport, Valérie, ou... C'est vrai qu'on a les yeux rivés juste sur la COVID-19, la progression de la pandémie. C'est bien normal qu'on s'occupe de tout ça. On se préoccupe des masques, on regarde ce qui se passe dans les CHSLD, puis l'économie qui est en pause. Mais pendant ce temps-là, la Terre, elle tourne. Avec ces saisons qui se suivent, le printemps arrive et puis qui dit au printemps au Québec dit aussi inondations printanières. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des inondations importantes? Les gens peuvent pas rester chez eux, ils doivent trouver refuge. Et généralement, trouver refuge, on va chez des amis ou dans la famille ou dans un gymnase mis à disposition par la municipalité. Mais ça, c'est un regroupement et en ce moment, c'est pas la chose à faire. Non. Alors, en ce moment, les municipalités, elles peuvent pas organiser des refuges pour héberger des sinistrés comme les autres années. Et puis, il a plu hier. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des inondations? Alors, la question, évidemment, est très importante. Il faut anticiper. On est beaucoup là-dedans. Et il faut anticiper à l'avance les inondations. Puis, forcément, trouver des situations, là, tu l'as mis. Ce qu'on fait habituellement, ça fonctionne pas. Il faut trouver des solutions d'hébergement. Avant, justement, d'avoir les deux pieds dans l'eau. Voilà, et c'est là-dessus que travaille Karem Chokmani. Il est professeur au Centre Haute-Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Ça, c'est un institut de recherche qui est dans Saint-Roch. Alors, je lui ai parlé mercredi, et il m'a expliqué aussi qu'avec la pandémie, la situation sera exacerbée aussi parce qu'une partie des services essentiels comme les services de police, les pompiers qui interviennent souvent quand il y a des inondations, elle est déjà en partie mobilisée pour la COVID. Donc, elle serait moins disponible pour les sinistrés. Ouais. Problème aussi. Oui, effectivement. Mais là, est-ce que les rivières sont pas déjà surveillées pour anticiper justement les inondations? On le fait pas déjà ça à l'avance? Oui, t'as raison. Donc c'est vrai qu'on anticipe, on regarde le mouvement des glaces, mais ça suffit pas pour prévoir les risques d'inondation. En fait, ce que Karem Chokmani m'a expliqué, c'est que le risque d'inondation, c'est la combinaison de deux choses. Alors la première, c'est l'aléa qui survient, c'est-à-dire une forte pluie ou un embâcle sur la rivière, par exemple, et puis ça va faire déborder la rivière qui va entraîner une inondation. Mais si la rivière, elle déborde dans la nature, le risque d'inonder des habitations, il est nul, finalement. Ça va juste faire un milieu humide, c'est pas plus grave que ça. Le problème, c'est quand la rivière, elle déborde dans des zones habitées. Mm-hmm. Puis, dans ces zones habitées, les populations sont vulnérables à l'inondation. Donc ça, la vulnérabilité, c'est la deuxième composante du risque. Donc si je reprends, dans le risque d'inondation, il y a la composante de la rivière, quand et jusqu'où elle va déborder, elle va sortir de son lit. Et la composante, quelle est la nature du territoire inondé? Est-ce que c'est un champ? Est-ce que c'est une route? Est-ce que c'est une rue avec des habitations? Est-ce que c'est un poste électrique? Est-ce que c'est la seule épicerie du village? Et comment l'inondation de ce territoire, avec ce qu'il y a dessus, ça rend les populations vulnérables. Donc, c'est sur ces deux aspects-là du risque, Chokmani a travaillé ou va travailler ou travaille en fait, présentement. Oui, il travaille depuis plusieurs années, en fait, avec d'autres collègues à l'INRS. Et en fait, il a deux spécialités. Il est spécialiste en hydrologie statistique, donc ça, c'est ce qui permet de déterminer les limites des zones inondables de récurrence quand on parle d'une inondation tous les 20 ans ou tous les 100 ans, par exemple. Mais il est aussi spécialiste en géomatique appliquée à l'environnement. Et en géomatique, on fait des cartes pour répertorier des caractéristiques sur un territoire. Donc, comme je disais, ça peut être des habitations, mais aussi des routes, les postes électriques, une usine de production d'eau potable, ou toutes les infrastructures dont l'inondation nous rend vulnérables, finalement, qui sont essentielles à notre vie quotidienne et que s'ils sont inondés, on a un problème. Ouais. Donc, si c'est une habitation On veut aussi savoir si c'est seulement le sous-sol qui sera inondé ou si l'eau va monter au premier étage. Si c'est une route qui est inondée et que c'est le seul accès pour arriver à une maison, même si la maison n'est pas inondée, les résidents, eux, dans leur maison, ils sont vulnérables parce qu'ils n'ont plus d'accès, ils ne peuvent plus aller au village, ils ne peuvent plus faire leurs courses. Ben oui, on l'a vu l'année dernière avec les terribles inondations. Ben oui, si c'est le poste électrique qui est inondé, ben les clients desservis par le poste électrique sont privés d'électricité, même s'ils ne sont pas inondés, donc ils sont vulnérables. Puis il y a toutes sortes de situations, si les gens peuvent être inondés et privés d'électricité ou d'eau potable, donc il y a toutes sortes d'électricité. Donc c'est les composants sur ce territoire aussi qui sont importantes pour déterminer la vulnérabilité. Donc, beaucoup, beaucoup de composantes. Et en combinant ces deux types-là d'informations, bien sûr qu'on a une meilleure vision des personnes aussi qui vont subir les conséquences de l'inondation parce que c'est les personnes qui sont au centre des préoccupations. Ben oui, donc c'est ça. Donc, Karem Chokmani et ses collègues ont combiné ces deux types d'informations pour développer un logiciel et anticiper la nature du risque, quelles vont être les conséquences pour les personnes qui sont vulnérables et prendre les mesures de protection adaptées. Donc si c'est juste le sous-sol qui est inondé, les gens en le sachant vont pouvoir avoir le temps de surélever leurs biens. En fonction des inondations qui sont anticipées à tel endroit dans la municipalité, la municipalité peut estimer le nombre de sacs de sable nécessaires pour faire barrière à l'eau à tel endroit. Par exemple, puis s'il y a des gens à évacuer, qu'on est en période de pandémie, faut trouver à héberger les gens dans des logements, dans des abris qui sont séparés pour éviter les attroupements. Donc, Karem Chokmani propose, par exemple, de prévoir des roulottes, de réquisitionner des chambres d'hôtel ou même des hébergements de la CEPAC, ce qui n'est peut-être pas très désagréable, d'ailleurs. Oui, habiter dans une yourte, là, il y a de très jolies yourtes ou des tentes Utopia, c'est super. Quoi qu'il ne fait pas très chaud quand même. Ouais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est chauffé, tout ça. Bref, alors ce logiciel-là, est-ce qu'il est disponible là présentement? Est-ce que les municipalités peuvent l'utiliser? Oui, il est disponible. Il s'appelle Inundation. En fait, ça s'écrit E-Inundation. Et les chercheurs ont créé la société GeoSapiens pour le commercialiser. Et il a déjà été utilisé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et d'autres municipalités en Outaouais sont intéressées aussi par cette... devraient l'utiliser bientôt. Donc ça permet, je disais que ça permet aux villes de planifier des mesures d'urgence. Mais les habitants aussi pourraient être intéressés à disposer du logiciel pour se préparer eux-mêmes, pour voir ce qui les concerne plus précisément, eux, chez eux. Et puis même, on peut penser aux gens qui veulent acheter une maison au bord de l'eau. Ils devraient être intéressés à connaître le risque d'inondation qui concerne leur futur achat. Ouais, ça commence. Est-ce que c'est seulement le sous-sol qui va être inondé une fois en 20 ans? Ou est-ce que s'il y a une seule route qui arrive chez eux, cette route va être coupée tous les 2 ans? On le veut pas non plus, là, c'est embêtant. Puis, en toute rigueur, les courtiers immobiliers aussi devraient vouloir ce genre d'informations. Oui, les assurances aussi, on peut le supposer, justement. Est-ce que ça les aiderait, les assureurs, à déterminer les primes d'assurance? Ça pourrait faire grimper, là, pour certaines maisons, là, si, justement, ouais, on connaît ça. Les risques d'inondation, là. C'est ça, il y a plusieurs versions à une telle application, hein. Logiciel. Donc, Karem Chokmani dit que le logiciel permet d'estimer les dommages causés à un bâtiment par une inondation en fonction du risque d'inondation. Donc, effectivement, j'imagine que les assureurs seraient intéressés à connaître ça. Puis, d'un autre côté, si on peut estimer les coûts d'une inondation, on peut aussi évaluer si ça vaut le coup de construire une digue ou une autre infrastructure pour protéger un territoire d'une inondation. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour les gens qui aménagent, qui font l'aménagement du territoire pour empêcher les inondations. Ouais, ouais. On peut comparer comme ça le coût de l'infrastructure ou au coût de l'inondation. Mm-hmm. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que avec ces divers utilisateurs, municipalités, particuliers, assureurs ou autres, ils n'ont pas les mêmes besoins, mais le logiciel se présente sous plusieurs versions et peut être adapté à ces différents besoins. Alors, c'est vraiment intéressant, Valérie. Alors, même s'il y a un logiciel pour aider les municipalités comme ça à planifier les mesures d'urgence en cas d'inondation, on espère et on se croise les doigts que cette année, il n'y en ait pas trop d'inondations. L'hiver a été moins rude que l'hiver 2019, moins de neige. Encore pas mal de neige à fondre. Et puis, oui, c'est jamais, ça. Les pluies qui peuvent arriver, les embâcles qui peuvent se causer, qui peuvent causer des inondations. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Comme dirait certains. Mais on espère qu'il n'y aura pas d'inondation parce qu'on a bien assez à faire avec la COVID-19. Oui, et de s'occuper, prendre en charge les gens qui vont être inondés, ça va être difficile. Voilà, non. Tout simplement. Valérie, je te souhaite une joyeuse Pâques. Profite bien de ce confinement pour manger du chocolat, peut-être oui, tranquille bonne idée. À la maison. Je te souhaite le meilleur. Bonne journée.